c'est toi. Nul comme toi. Qui peut nous garder comme toi? Qui peut nous restaurer comme toi? Qui peut nous soigner comme toi? Qui pouvait le faire comme toi? Qui a accepté de laisser la gloire? Afin de descendre pour nous. Laisse-moi te dire que tu es bon, Seigneur. En tout temps, tu restes bon. Voilà pourquoi mon cœur se tourne encore ce matin pour te dire que tu restes bon. Le matin, tu es bon. À midi, tu es bon. La nuit, tu es bon. En tout temps, tu restes bon. Nous sommes reconnaissants à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu restes incomparable. Laisse-moi te chanter ce matin. Achani kwipie, kwani uko mwema. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de vivre dans ta présence. J'ai soif de rester à tes pieds. La coquille na ma colonna yo. Est-ce qu'on peut chanter avec la salle? La coquille na ma colonna yo. Na kokila e kokila na makolo na yo na kokila na makolo na yo na kokila na makolo na yo na kokila na makolo na yo. Comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix encore une fois? Lui dire, Seigneur, je suis là à tes pieds. Ne laisse pas cette journée passer ainsi. J'aimerais rester à tes pieds ce matin afin d'en profiter davantage de ta présence. Visite-moi, Jésus. Console mon cœur. Restaure mon âme. Fortifie ma foi. À tes pieds, je suis là. Reçois, Seigneur. Reçois l'adoration. Avec moi. besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce roi de gloire, le roi de la sainteté, le puissant glorieux, le fort dans le combat, celui qui n'a pas de combat, celui qui n'a pas de gage. Alléluia. Cette atmosphère, nous allons chanter le Nimbo Zaokovu. Alléluia. Mokozi we tu ana tu pafora adonia. Zakwa neema nana na tu shibi tazama tazama yuko pamo chana sine maita isha kamwe. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, impe, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Tunawezi kushangilia wote pamoja na mikono. Haleluya. Ni vyema kumpenda Mungu aliyetuokoa. Haleluya. Hallelujah. Zamba Ningi Najoali Kifichwa Natokija Rebe Wao Toa Juani Kwa Mwengoni Mwengoni Atutao Natakwe Uzu Iwana Mato Aleluya Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Chakula wa la nyumba Maana nyo tetwa vipata Kwa nema yake Mungu Jiani yote atu Ongoza Alichukua mizigo yetu Pour le roi de gloire. Alléluia. Nivema kumupenda Mungu wetu. Alléluia. Nous invitons les canaux vocaux pour un cantique de louange. Pendant qu'ils s'avancent, nous pouvons les encourager avec les applaudissements. Amen, amen. Est-ce que tu es sur ma mère que tu es sur mon groupe moi? Il est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Notre Seigneur, le sauveur de l'univers. Il est vivant, il n'est plus dans le tombeau. C'est pourquoi nous chantons. En Jésus, il est vivant, il n'est plus dans le tombeau. est Seigneur, le sauveur de l'univers. Il est vivant, il n'est plus dans le tombeau. C'est pourquoi nous chantons. Oh Jésus, il est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Notre Seigneur, le sauveur de l'univers. Sauveur de l'univers, il est vivant, il n'est plus dans le tombeau, c'est pourquoi nous chantons. Togo yembe l'anzambe kuna nalola, Togo yembe l'anzambe kuna nalola kembo, Togo yembe l'anzambe kuna nalola, ah Togo yembe, Togo yembe l'anzambe kuna nalola, Togo yembe. Oh, yeah. mololo mololo mololo mololo mololo. Alléluia. On peut les encourager avec les applaudissements. Bible asema yeyote eko na pumzi amusifu Bwana. Amen, amen. Nous invitons la chorale aussi avec un bon cantique de louange. Wapi mulolo, mulolo. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Aïe! Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia, amen, alléluia. Kasi Yesu mwana nzambe, bombo izela. Yesu mwana nzambe, lelile, bombo izela ya seko. Yesu mwana nzambe, bombo izela. Yesu mwana nzambe. Kasi Yesu mwana nzambe, bombo izela. Yesu mwana nzambe, lelile, bombo izela ya seko. Yesu mwana nzambe, bombo izela. Yesu mwana nzambe, bombo izela. Kolo kumisa ye, kumisa ye na esengo. Oh, aleluya. Kolo Yesu alongi etumba. Oh, kumisa ye, kumisa ye na esengo. Oh, aleluya. Aleluya, Gembo, aleluya, oh, aleluya, Gembo, aleluya, oh, Gembo. kembo kembo kembo kuna na lola ya kembo oh kembo haleluya kembo haleluya oh haleluya kembo haleluya oh kembo haleluya kembo haleluya oh haleluya kembo haleluya oh oh oh na kokende na kokende na lola oh dokuzana namasiya mo Chakua, chakua, chakua, chakua, leo. Mimi na chakua masi. Oh, wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua. Leo, leo. Mimi na chakua masi. Oh, wewe baba. Chakua. Wewe mama. Chakua. Leo, leo. Mimi na chakua masi. Oh, chakua leo. Wetu leo. Oh, chakua leo. Alléluia. Je me demande pourquoi vous avez coupé. Ce Dieu qui a donné, qui a délivré Sarah de la stérilité, est-ce que c'est possible qu'on nous chante ce chant-là de louange, Maman Gloria? Il a donné à Sarah un enfant à 90 ans. Je rappelle à Dieu, nous voulons louer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Ne te fatigue pas, nous sommes venus pour louer le Seigneur, le Dieu des armées qui restaure toutes choses. Eta maboko, eta maboko, pika mikono. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Louer Dieu, besoin de paniquer. Je suis élevé, mon temps est dépassé. on a Jésus, on a papa. Tata Logolo, qui? Qui? Teza, Teza, Teza, Teza, Teza. Boulolo, boulolo, boulolo, boulolo, boulolo. Oh, Jésus est élevé. Oh, Jésus est élevé. Oh, Jésus est élevé. Jésus a libéré. Pika, pika, lesquels? Je suis ma libérée. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a consolé. Alléluia. Je suis dans la joie. Satan, quand il s'élève, Satan est terrassé comme on nous l'a chanté. Quelqu'un prend une bonne position pour adorer ce roi de gloire. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est toi qui mérites. C'est toi qui as terrassé Satan, qui croyait t'avoir vaincu. Toi qui es resté invaincu. Toi qui es allé vers les séjours de mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur, nous te levons ce pour matin. Nous donner la vie. Oh, Seigneur, tu, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur et la magnificence. Merci, mon cœur t'adore ce matin. Je t'adore ce matin. Mon cœur t'élève. Merci, Jésus, pour parce que tu restes ce roi. Merci, Jésus. De gloire. Merci, Jésus. Qui a tout vaincu. Andi mako sopa makila kolo Yesu mama na yo otali sanga zela ya bomoi opesanga bolingo ya banguna nangaye Ozwa ki moto esengela ki azala na avoka Oya ki okomi avoka na ngai Avoka na ngai Yesu Embenia papa Mama, Mama Boza Nzambe, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Yahweh, Yahweh. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, car toi tu es notre Dieu. Merci qui est comme toi. Seigneur, nos mots montent devant ta face. Et qui est comme toi, Seigneur. Comment pourrions-nous vivre sans toi? Jésus, tu es tellement grand. Tu es tellement puissant. Tu es tellement adorable. Il n'est comparable à toi. Jésus, je t'adore et vos cendres et vos. Alléluia, Rabba Sandre, que te rebosh. Qui candara, babara, et que te rebosh. Yé, Baba Saye. Eh, Seigneur, nous te levons ce matin. Nous te levons. Merci Jésus-Christ, car toi tu es notre Dieu. Merci Jésus, car toi tu es. Merci, car toi tu es notre Dieu. Il n'est comparable à toi. Yahweh, n'a pas volé, n'a pas volé l'eau. N'attends pas les trois pour sa malade. Osant sa bosse à la capicom. Kumama na yo zambé. Yahweh, mimi na kuabudu. Yahweh, mimi na kuabudu. Mele yako na inama. Seigneur, comment ne pas te lever ce matin, Dieu? Oui, il est créateur de toute vie. Créateur de toute vie, c'est toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour ta présence. Qui est comme toi, Seigneur? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Baba, mimi, mina, kua, boudou. Mimi mina kuabudu, mikono yangu nainua. Mimi mina kuabudu, oh Baba Baba. Bye. ensemble avec nous. Mina Kupendae. On va chanter avec toi. Mina Kupendae. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu l'aimes? Mina Kupenda. Mina Kupendae. Nalingi. Thank you. Tempelo na ye, to se pela. Oh, Zambela Nkembo. Avec tes mots, tu adores encore ce roi de gloire. Que le ciel s'ouvre, que les anges descendent dans ces lieux, que les anges remplissent ce lieu. Bénis le Seigneur bien-aimé. Le Dieu qui te donne la vie. Il ne marche pas selon les avis de tes ennemis. Il ne marche pas selon les climats qu'il fait. Il ne marche pas selon les pays. Il marche selon sa parole. Il marche selon sa parole. Et sa parole est puissante. Ecclésiaste dit que la parole du roi est puissante. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant quelques moments? On se tient debout. Pendant que je préparais le culte d'aujourd'hui, je priais. Il y a une chanson qui m'est venue. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Est-ce que tu peux dire aussi que je n'ai que toi, Jésus? Élève ta voix, commence à dire, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi dans ma vie. Les gens peuvent avoir l'argent. Les gens peuvent avoir des parrains. Les gens peuvent avoir des armes. Mais moi, dans ma vie, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai peut-être pas de Marie, mais c'est toi Jésus. Ce n'est pas de femme, mais c'est Jésus. Ce n'est pas d'enfant, mais c'est Jésus. Ce n'est pas de parents, Jésus orphelin, mais c'est Jésus. Oh, avoir Jésus, c'est avoir tout dans la vie. C'est avoir tout dans la vie. C'est Jésus. Vous pouvez tout m'arracher, mais aussi longtemps que c'est Jésus. C'est la vie. Commence à le déclarer. Jésus, je t'ai. Je t'ai, Seigneur. Dans ma situation difficile, ce n'est que toi. Dans le chemin que je prends, ce n'est que toi. Alléluia. Oh, élève, toi, commence à le bénir. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Si tu m'en es, je n'aurai plus rien. Alléluia. La la la la la la la la. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Si on me l'enlève, je n'aurai plus rien. La la la la. Je sais la, que la, je la, sais. La, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Oui, qu'est-ce que tu as ce matin? Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Qu'est-ce que tu as ce matin si ce n'est Jésus? La, la, la, la. Moi je n'ai que lui seul. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la la la la la la. La. Jésus, mon Dieu. Moi je n'ai que Jésus. Oh merci. Moi je n'ai que Jésus. Oh Jésus, c'est toi que nous avons. Alléluia. Moi je n'ai. C'est toi que nous avons dans nos maisons. C'est toi que moi nous avons dans nos maisons. C'est toi que nous avons dans nos maisons. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'aurai rien. La, la, la, la, la, la, la. Moi sur la terre des hommes, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Oh, si tu m'enlèves. Je n'aurai rien, Seigneur. Je n'aurai rien sans toi. Moi, sur la terre Commence à prier, lève d'abord, commence à prier. Commence à prier. Le Saint-Esprit touche ton cœur. Même le silence, c'est un langage devant le Seigneur. Parce qu'il parle au cœur. Et Dieu va déposer quelque chose dans ton cœur. N'hésite pas, libère ton cœur. Le cœur, c'est un moment de communion avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là ce matin. Ah oui. Ah oui. Oh, ah oui. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. C'est des moments merveilleux. Laisse ton cœur parler au Seigneur pendant ce temps, bien-aimé. Sois simplement concentré, tes pensées fixées sur le Seigneur. Et le Saint-Esprit va faire son travail. Parce qu'il est présent. Il est présent. L'amour est une personne qui a quitté les ciels pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne. Oh merci Jésus. J'acceptais de pardonner tous mes péchés. L'amour est une personne. Et comment y'a j'acceptais de mourir à la croix pour et moi. Qu'est-ce pour ça? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon corps. Et mon corps brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon corps. Et mon corps brille en amour pour toi. Tu es mon Yassou. Oui, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon corps. Je t'aime, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer? Pika mikono, pika mikono. Alléluia. J'aimerais voir les gens qui aiment le Seigneur et qui veulent acclamer. Ben d'accord, avant de voir la chandelier à Bouana. Et je vous dis maman, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et honorer le roi? Oh yes! Que Dieu vous bénisse. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que c'est ton jour. C'est ton jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Et nous vous bénissons aussi. Je suis sorti un peu pour faire le tour des autres églises. Vous allez m'excuser. Ça fait toujours partie du travail aussi que nous avons. Je n'ai pas encore fini. Les églises qui restent dimanche prochain. Mais voilà, nous faisons ce que nous pouvons faire selon que Dieu nous... Donc, aujourd'hui, je suis dans la joie de recevoir un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui m'aime aussi. J'expliquais au pasteur hier qu'on avait une réunion. Quand vous voulez confier le ministère à quelqu'un, soyez sûr qu'il est enfant de Dieu. Soyez sûr qu'il aime Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas, je l'ai dit. Il faut qu'il vous aime plus que vous ne l'aimiez. Il faut qu'il vous aime plus que toi tu ne l'aimes. C'est un très grand critère. Parce que toi tu peux l'aimer plus qu'il ne t'aime. Comme il ne t'aime pas plus que toi tu ne l'aimes, un jour il peut. Même dans le mariage, sois rassuré que ton partenaire t'aime plus que toi tu ne l'aimes. Dans le mal, ça doit être de part et d'autre. Tu fais tout pour aimer plus que l'autre aussi fait tout et puis il y a un équilibre. À ce moment-là, vous pouvez vous supporter. Et dans le ministère, c'est très important. Et c'est pourquoi nous prenons parfois beaucoup de temps pour désigner un pasteur. Vous avez un joli site, je prends beaucoup de temps. Je pose des questions à Dieu. Dieu me dit toujours, attends. Je ne comprends pas. Mais pendant que je prie pour joli site, Dieu me dit de choisir d'autres pour d'autres églises. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un pasteur pour une autre église. Je vais prier pour lui et vous allez le connaître. Dieu reste Dieu. Aujourd'hui, si Dieu me dit d'attendre, et pour autre chose, Dieu me dit non, voilà. Bon, je vais faire quoi? Ça me complique moi-même. Mais Dieu reste Dieu. Je bénis le Seigneur. Je parlais du bien-aimé pasteur qui est là ce matin, qui va travailler. Quand je suis à Lumbashi, dès que j'ai un peu de break, il vient chez moi à la maison, nous prions ensemble. Il m'aime beaucoup. Je l'aime aussi. Les bonnes personnes sont devenues rares sur la terre. Watu wazuri wanakuya, wadogo kabisa pa dunia. Et quand tu as rencontré une bonne personne dans ta vie, na, kama unakutana na mtu mzuri maisha yako, même un ami, hata rafiki yako, même une amie, hata rafiki yako wa kike, garde-le. Umuchunge vizuri kabisa. Parce que les bonnes personnes sont devenues. Watu wazuri wanakuya, wachache kabisa. Je bénis le Seigneur. C'est le pasteur Tonton Ilunga. Nous allons d'abord l'accueillir au milieu de nous. Il va s'élever d'abord, on va l'accueillir au milieu de nous. C'est lui qui va nous prêcher ce matin. Et je bénis le Seigneur pour sa présence. Vous êtes content avec moi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse. Alors, j'invite le pasteur Tonton. Pendant qu'il s'approche, il est bien aimé. Oh, j'ai oublié. Le frère Gaylord, pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kia kuivwe ni mweka jilanga. Sia kusikia vile unekalaka. Amen. Amen. Mutima usansa mpata. Roho yangu iko nauma sana. Jitufika kinoki tukifuko. Kama tuko nafika mahali hapa. Bifanyuleleza wa Mungu. Inapasha Mungu wa mbingu. Alonge bintu bimweke ne amen. Afanye bintu vya kuonekana. Amen. Amen. Osaka kusambisha. Pale utalamuki. Babiji, basatu, banaba. Batu bawili tatu ine. Muko wekuo kwamu. Mukono yako. Mujiluhusa lwaleza. Muko uweso ya Mungu. Wabatu esham. Ile anengisa mule. Omutenga. Pale utamugusa. Nyonji keteke. Kamba ikachike. Omutenga. Pale utamugusa. Bilongeke. Bifanike. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Nane namba. Nasema hivi. Muko wekubo kwa. Ndani ya mkono yako. Kujiluhusa lwaleza. Muko uweso ya Mungu. Wabatu esha. Ile anengisa mule. Osaka kusambia. Pale utalamukia mutu. Kubo kwa leza kwa. Mkono ya Mungu ile. Ufieme muko wekubo. Inafichama ndani ya mkono yako. Bitu isa kulonge. Itafanya bintu. Nyonshi. Kamba. Ikete. Ikachike. Majesi. Mabaraka. Afike. Na yo ifike. Saka wimane. Napenda tu shimame. Ila sambishe. Uba salimie tu. Mba. Uba onesha asema. Uwe ya leza. Salama ya Mungu. Ikele neno. Ikwe pamoja na weye. Salama ya Mungu. Ikele neno. Ikwe na weye. Uwe ya leza. Salama ya Mungu. Ikele neno. Ikwe na weye. Salam kulombo she. Sikia ni kwambi. Kujibitu weko kisha kulonga sambla. Kuko bitu utaweza kufa sambla. Sijui cha leza. Kama sauti ya Mungu. Ukilongelacho sambla. Usifanye sambla pana. Bana balez. Patoto ya Mungu. Jatujine mianda mikata. Leo tuko na maneno kubwa. Mianda mikomo. Maneno ya nguvu. Inomuna namba bantu. Naona sema watu. Keba sensuei. Aba ipende. Mwanda waka. Juu ya nini? Banyema corona. Beko unakimbia corona. Kani kusambisha nini? Paka tu na kusalimia mtu wiko nguvu. Kusambishe. Umusalimie tena. Kiungwe kikute. Utukufu inweke. Aleluya. Amen. Jae jifu kujishia angane ni mafu. Leo ni siku inachana na mashiku ingine. Ami nkijile mianda mi yampe. Mi siku enju ya bari nchema pana. Na inamba ima nakamu jabe mo. Nasema shimama ndani yako mule. Musambishe tu jina jamba. Umulamukia ule kopembeni. Tabula ndoe. Pokea salama. Namu nebafule wajisispe. Naona bengine beko sispe mukanisa umu. Shimama mwambia sema pokea salama. Chumula muke tu bia bien ni mambo ka. Dit lui bien que reçois la paix. Ay ay ay ay ay ay ay. Uko si suspe mina kono. Si es suspe tu te vois si es suspe mina. Alléluia. Amen. Bo baba je suis suspe. Bale beko sispe. Kane kuimunanga na kukoma. Ata tu kusalimia mutu biko nguvu. Kane kuima na kukoma. Ata kusimama biko nguvu. Mwanda baji kontre. Ju beko tofauti. Nebi amushi britu. Nabi akiro. E boba luisha ki wilo kinu. Ju bale beko nakombanisha kanisa hii. Bote beko mubaya. Leza wimutula atoka. Mungu atemiweka wazi. Kitangona kinoki. Kanisa kama hii. Ketuji homyande ya kuitokeja mchima. Hakuna mambo ya kufurahishana. Tujine mwanda tulonge bisaka leza. Tuko na tufanye mapenzi ya Mungu. Aleluya. Amen. Bako lise ya mwimune bambu tuile. Hejai. Ba imbaji mkwe msalimie basasi. Mwe mwibalombo lemba tambula indo. Mwibambia asema mpoke salama ya Mungu. Mwanda chifu kujino. Salamu siku hii. Kijine bilongo wabia leo. Iko na bitendo bia Mungu. Mwibalombo lemba bambu tuile. Mwibambia basasi. Ya lelo. Leo. Tambula indo. Mpoke salama. Na nguvu. Avec toute force. Mwishi wakimbie. Mwibala mke na nguvu. Pas dire avec toute force. Reçois la paix. Home mutenga. Pale kwenye mugusa. Nenu home ibatenga. Na mwe basasi pale mwenye bagusa. Bia kulongeka. Bia kufanika. Bilongeka. Bianze kufanika. Haba korisi ni babubu ni nini Mungu wangu? Wakorisi ni nini? Haba semake. Aleluya. Amen. Shumambie tu vya vye pokea salama. Zitri bieke reswa la pei. Musemeko. Ata vu chefu wenyewe. Meme si te chef. Mbele sauti beshiki. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Amen. Aleluya, amen. Amen. Aleluya, amen. Aleluya. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yesu ni bwana. Amen. Yesu ni bwando. Oh, amen. Yesu ni baba. Amen. Alléluia. Amen. Yesu ni baba. Amen. Atamile, Yesu ni mwana, Yesu ni mwana, Atamile, Yesu ni baba, Yesu ni mwana, Yesu ni mwana, Atamile, Atamile, Yesu ni mwana, Yesu ni mwana, Atamile, Yesu ni mwana, Yesu ni mwana, Atamile, Atamile. Yesu ni mwana, Atamile. Yesu ni mwana, Yesu ni mwana, Yesu ni baba, Atamile. Atamile. Yesu ni mwana. Sema amen. Amen. Ona ile yabewa. Ule nakuia hapa ni weye. Kabe tuona hii. Nakuia njuu yako. Gichine bia kune na bifule. Tuko na mambo mengi ya kusema. Saka kutenga mianda imo. Tutagusa mambo ingine. Kiona hii ilamiwa. Kienye nakuia hapa mie. Hii jea. Ni ule jea. Wa mubo bebumu. Ule asha kusimama maisha yako. Achimuke. Anguke. Abenobe, na weye ufike kuterminize. Ufike kumwisho. Aleluya. Amen. 1 Samuel. 1 Samuel 17. Chapitre 17. 46. Verset 46. Samuel, chapitre 17, chapitre 17, verset 46. Verset 46. Et 47. À 47. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lomboloji nanjamba. Umwambie ule ko pembeni asema. Géant. Wa mubo bebu. Eko maisha yako. Jalelo ho. Leo atanguka. Ule géant wa maisha yako. Le géant qui est dans ta vie. Atanguka. Aujourd'hui va tomber. Ule arikala mu finance yako. Celui qui est dans ta santé. Leo atanguka. Aujourd'hui va tomber. Pana malaise. Batoto ya Mungu. Lusango lukata. Hii ni habari kubwa. Wana wa Israeli. Baliteswa na kuangaika. Miaka ya mingi. Na wa Filistini. Juu ya huyo géant. Ule walikuwa naye. Alikuwa ni Goliath. Goliath. Alikuwa ni mtu wa nguvu. Ni mtu mulefu. Ni mtu mubaya. Géant. Mutu mubi. Mutu mubaya. Shiwaimana. Kama unashimama. Kekwa jio soda. Hakuna askari atamoya. Na shaumo. Atamoya. Waji wimana nanchi. Ule alikuwa na shimama na hii. Soda wa Benesa lele waji kutu. Ule askari wa Israeli alikuwa na kimbia mbio. Nemulowe solo mwini. Na mfalme Solomon. Waji mwifuwa na moyo. Alikuwa na mogopa. Juu aliangaika miaka ya mingi. Miaka milamu. Miaka ya mingi. Aleluya. Amen. Jifuku jimo. Siku moya. Leza kalele tulo. Mungu asilalake usingizi. Leza kakunukaho. Mungu asisingizie. Na shaba kumweshe malua. Ataba kuteswe. Jifuku jimo. Siku moya. Malua sakuhua. Ile mateso itaisha. Kujusa kuimana. Kuko ule atasimama. Nehano. Na hapa. Bao kuimana. Asha kusimama desha. Nehano. Na hapa. Bao kuia. Asha kufika hapa. Leza watunu na David mwana Yese. Mungu anatuma David mtoto wa Yese. Aka anjije venisa lela. Ntu ende aokowe watoto wa Israeli. Kuboko. Mikono ya Goliath. Na minane namba jalelo. Na mina sema leo. Ukomo bwalezi. Nguvu ya Mungu. Watu ila mujabe. Bidengia ndani yako. Mwanda wakuha njije. Su ya kuokoa. Uzo wenu. Taifa yenu. Awe wenu. Weyo ko nani? We David. Weko David. Gojata. Goliath. Mutu ila susuile miaka mila. Mutu aliwateswa miaka mingi. Sitamaliza habari yote hapana. Hobe mwenene David. Pale balionana na David. Haji kibengo kikata. Palikuwa zarau. Kibengo kikata. Palikuwa zarau. Kutuka kane eleza mwini. Alikuwa na chambula na Mungu. Goliathi unena mbaka. Goliathi anasema nini? Peti. Asema mtoto. Bakwenu woso bakomu kekujiwi manangana. Bote banguvu hakuna ule anashimamaka mbele yangu. Abe uyene mikombo. Hii makombo. Ukwete mukombo. We unabamba bakora. Mukombo wa. Bakora ile. Wajushitula mukumbi. Ilikuwa nasema ongozaji. Mukombo wa. Ile bakora. Wajushitulula luhusa. Ilikuwa nasema uwezo. David akashile ho mukombo wa. David akwacha ile bakora. Ulomulama akashile ho luhusa. Ni kusema akwacha uwezo ya Mungu. Asha ukaluane ngoja. Atena pigana na Goliath. Kashile ho mukombo. Lakini asikwacha bakora. Na minane na. Na minasema. Na asha kutijivita. Ata kuko vita. Kwata luhusa lualeza. Bamba uwezo ya Mungu. Kwata mukombo lualeza. Bamba nguvu ya Mungu. Kwata mwanda lualeza. Bamba neno la Mungu. Aleluya. Amen. Kwata imikombo. Mubambe mabakora. Imwanda walezi. Ni neno la Mungu. Ibukomo walezi. Ni nguvu ya Mungu. Da. Goliath anaona anaanza zarau. Asema kuona kwa na bakora. David akajone bintu bilema. David ashikwe na bintu bya bushito. Sababu Mungu wetu. Akombanake na bintu bya nguvu. Ye anengeaka mu bintu bya kuzarauliwa. Bintu byenye bana zarau. Njo mule Mungu anengeaka. Leo kuko nguvu ile itavunja ile vita yako ya miaka ile mateso yako ya miaka pale barikala maisha yako siku ya leo kuko mtu moya ule anashuka leo Goriate atanguka ule shea eko maisha yako atanguka apende asipopenda leo ule shea atanguka. Batoto ya Mungu. Kusema kwa David na imani. Ile misemo. Yenye kujaa neema ya Mungu. Misemi. Yenye kujaa nguvu ya Mungu. Sikia vile kuna mujibu. Anamujibu nini? Abe. Weye. Kekensha. Atuseme kesho. Tunasema siku ya leo. Obe mutwe. Kichwa yako ukaketeka. Itakatika. Mwitao. Nyama yako. Ukajibwane byoni. Itakuliwa na ndeke za anga. Amiwa. Mimi. Kileho mujina ya mtu. Sikuye mujina ya mtu. Kikalwe hone mata. Sitakombana na bunduki. Na ya kujaruwa ngoja. Na kuya kwako Goriati. Mujina. Mujina. Jaye waleza wa mafita. Ya ule Mungu wa majeshi. Mafita Israeli. Majeshi ya Israeli. Ile uko na chambula. Haina kesho. Ni leo. Kichwa yako itakatika. Atuseme kesho. Leo. Hapa niko na ubiri. Atubiri kesho. Bale basheba shababa maisha yako. Haiko kesho. Ni leo. Bote banguke. Aleluya. Amen. Babe kuila habia jibani namba. Beko neripika pakilari bena sema. Bani nangabi okana. Boba nasema haka paka vile. Ni kibi ngu kyoso. Ni zarau yote. Biyambu. Mzuri. Kihachivo mwa. Apana mambo. Nami na kulombo lamu. Nami na kuambia sema. Kuya kutu wa yako. Kwenye kuya tunafika. Ijea wa mubo bebo. Nijea wa maisha yako. Kakuhona ye. Leo paka anguke. David nelwitavish. David na imani. Walena mbango chi. Akasema Goriati. Kushinda kwetu. Kushinda kwetu. Ke kwa kubukomo hobu wetu. Aina nguvu yetu. Kekwa bilongwa bietu. Aiko bitendo bietu. Kekwa kuikalane ma arme mako. Aina sema kwa na masila nguvu. Bushina nyi wetu. Ushindi yetu. Butamba kuti Yehova. Inatoka kwa Mungu. Mwanda yeye mwine bukomo. Sababu yeye njo mwenye nguvu yote. Neja lelo chini. Na leo hii. Isalela yese. Israeli yote. Kayukamba. Atajua. Atine eleza Mungu. Alikuwa na Mungu mzima. Shiwichike mbele amen. Ati amen. Asema ni leo. Israeli yote. Batajua sema. Muisraeli. Muko Mungu. Nami nakwambia. Batajua sema. Mui kanisa. Muko Mungu. Ni Mungu kani. Mungu eko na okoa. Mungu eko na okoa. Mungu ena fungula. Mungu ena bariki. Mungu ena tunza. Mungu eko na pandisha. Mungu analeta sante. Mungu analeta bitu ya sasa. Hey, batote ya Mungu. Leo. Kuko Mungu eko na okoa. Nguvu ya Mungu. Isaidie mtafsiri. Ikusaidie na weye. Kuko Mungu anaokoa. Israeli yote ajue. Asema kuna Mungu anaokoa. Batoto ya Mungu. David awaolona bupindo bwanji. David akapika lance pierre. Kahampala. Inamutwanga pansula. Goriati akaanguka. Maisha yake na shapani. Ekipe ya Dios. Ile jeshi yake yote. Hakumona general wabo. Pakuona kamanda wabo. Bahol. Anaanguka. Bashikata. Batekala. Bote wanakimbia. Paka kisu yake. Sababu David asikuwe na kisu. Luhete. Ile kisu ilikuwa na Goriath. Paka kisu yake. Ile Goriath alikuwa na njoo yenye balibeba. Kuko David anamukata nayo kichwa. Kile walitengeneza kibaya juu ya maisha yako paka kile kisu kite wageukia wao wenyewe. Ule alichimbula nshimu ya mauti asema ye anguke, we anguke, ye atangukia amo. Batoto ya Mungu, Goliati kuanguka, alianguka na nguvu. Akaanguka chini. Ba Israeli walifanya nini? Bakapika kelele. Bakapika kelele na kushangilia. Ile kelele ya ushindaji. Ile kelele ya cheko. Cheko ya furaha. Sababu moya. Ule alikuwa anebateswa. Anaanguka. Goriate ni nani? Ni shetani. Ni mama yako. Ni kambo yako. Ni nduku yako. Wote mtu mubaya. Ele kupadose yako. Wote mtu mubaya. Ena kombanisha na nyumba yako. Wote mtu mubaya. Eko na kuangaisha. Amen. Kyote kibaya. Kiko na kuangaisha. Kumbingu kulishuka kisu ya kuwa. Kumbingu kulishuka ushindaji juu ya kuangusha. Bila biko nateswa batu. Kuko batu ba mingi bena shinda kolewa juu ya jean. Batoto ya Mungu, nilikuwa kukaboto bale banatembeaka na papa Meshaki. Ujine mukaji. Eko na bibi yake. Ijeante. Ni jeante. Kapata kabana bakaji. Mwana muke muloji. Mune nyamalenga nyamu. Muakiri ya gisa. Mutu mukomu. Mutu wangufu. Uwampele musauji. Pale wanipacha maubiri. Pakusa. Pakubiri. Bajea keba hone. Bajea wanaza kuanguka. Nilibambia amuna na nguvu siye bale tuko na bana mipita ata mukwe mil mukwe di mil mukwe Kongo mzima amuta tuweza sababu ule tuko na ye eko nguvu kupita yenu. Batoto ya Mungu, pakunita kunyumba kwa ule baba. Niko naingia munyumba. Ule mama anaanza kutubu. Nisha kufunga Bwana. Nisha kufunga batoto. Nisha kufunga maisha yetu yote kubuloshi. Kama ukaona yeko pale peko baba Meshaki. Melakini ule baba iko nateswa. Malari paka ya nguvu. Ana hata kintu. Maisha bibi ashafunga. Maisha ya kufwa. Ya kufwa maisha. Kumbe. Ni jeant. Eko munyumba yake. Kensha samdi. Jana samdi. Jukile lolo baia. Nisitukie mama anakuya. Baia ni mwana wa Seza. Alikuwa na jeune fille wa Seza jana. Sababu tulifanyaka nabo maombi. Sikumjua. Roho wa Mungu akasema. Simamisha ule mama. Eko na vita munene. Iko munyumba yavo. Paka munyumba. Njoo mkogiza. Mungu asema teweka peupe. Jana alikuwa na jeune fille wake. mtoto yake wa kwanza banduku ni washuda ya tata ule baba wajikuna mibi alikuwa kuna mibi kajikuwa Afrika du Sud alikuwa Afrika du Sud kaenda kubotswa anaenda botswa emunange ma ule baba satembea nje ya Kongo watine makuta alikuwa na makuta watine bumi buya alikuwa na maisha ya bien pana bale batoto ya Mungu shije abato la muyobe kama sheya anaingia mu nyumba yako mingolo yanji iko na bobo kazi yake ni kualabisha maisha yako pana bale batoto ya Mungu hano bakimana shadifra hapa beko natafuta hata 100 francs muyuki libyo balongele kujishanje unajua bile balifanya kwa baba yake kaiba mulonga bwa kifuto banaanza kumwangusha saki fuafua bukomo bwa lesa hakuye nguvu ya Mungu pakuye bubakwata mwana huwa inabamba mtoto mwana huwa kanena ana ule mtoto alianza kusema unenamba ka eko nasema nini ibatwe nishie inoshimo yetu hii nyumba yetu yote tujile bu stade njo yeye tunapeleka kama ni stade tuibatule ma camera de surveillance tusakupeleka ma camera de surveillance kitu kyoso kitu kyote kilongeka mwishi kiko nafanyika mu nyumba yetu ami wane porte parole mie niko wa kama vile kingilio wa kutulara niko na beba byote mu nyumba yetu niko napeleka ku monde de ténèbres wa bumwana mutoto yabo wa kwanza jeune fille amba banombele asema bali nilomba kubulozi tusaka tukuhe bumi buyamba tunapenda tukupatie maisha ya bien tukukanjishe matabu tukupandishe cheo mubulozi leta show leta baba yako watakuna shanje anabeba baba yake watakuna ina anatoa kubulozi watakuna kazi kasha anabeba na kazi ya baba yake anatoa kubuloji kokwa kazi kule kazi goba chibengila ne bazungu bali kwa natumika na bazungu jifukutimo siku moya bayaba mushinga bimbotela baka mupakala bimbotela kubuloji mubiro kane anaingia mubiro hivi ayo tuela mokane yeko anaingia mubiro muzungu amwangaka 2020 muzungu anamwandama toka toka unuka buchafu huko na nuka buchafu toka toka bintu kani minafani. Kashi yabo. Kumbi ni bo. Kashi koneke. Kashi alabike. Kashi kafua. Kashi nalabike. Baenda kusid. Anenda kusid. Kaingila. Anaza kutumika. Kaingila. E natumika. Abaya ba mushinga mubyonka. Bana mupakala tena ile buchafu ya rufu. Kashi naishi. Imushoka. Anarudia. Anojimu Kongo. Apa eko mkongo. Eko nafanya hivi. Jaime kile lufu lwa shanti. Kilisimamisha kifo ya baba yake. E milombelo ya inanji. Ni maombi ya mama. Milombelo ya mama wa. Maombi ya ule mama. Kajila kakubukile waleza. Eko naria kupande wa Mungu. Kila saa kumombea, kila saa kumombea. Ye mwine ulombela. Ye mwenye kona omba. Bana bakomeno wa kufunda. Batoto mena shindwa kufunda. Ibika bibe yetu tana. Bitu kadibina tukuta. Bana angile kubengi. Bali zunguluka kubatumisi. Heba mwine kwa kitu kitunda. Aba one kitu kishima. Meja jojifu ku. Meile shiku. Mushu itu wa sokolamba. Roho wa Mungu akafumbula. Jea. Jea. Kuchika muyobe enshi. Eko paka munyumba yenu. Wajula angilamba. Alikuwa na wazia. Bako. Ni bako yake hamo sasa ingine bana betu ni banduku yetu nash kumbe ni paka mtoto yake wa kwanza ya mwanai ule mtoto na selele na ngenyi ya mimi ni ya kumasomo asema nilibeba na akili yangu ya kumasomo neba ha na bapatia kubuloshi na sela nikabeba bwa mibumi bonso ne busongo maisha yangu yote na ndoa neba ha nibapatia kubulozi sela ne lubu tulo nikabeba na usao wangu nikebaletea hano haibika hapa ni nini batimba kakoso bali sema paka kakoso mpaka shobe afue utupatie baba yako hano shitu ya kumkuata kama tuko na kwa kumbamba papa amba shike nguluka kama minaanza kuluka niende kubulozi nake kuna mukibambashi na mubu kitengana bia naenda kulipika mumire hivi hauna hata ambe pale mimi naluka mimi naenda mtoto kiloko ni ndoto ni nini nonde unifuate mubo bebe muji probleme mu maisha yako muko mambo unabikuaboke byendanga byampe bile bingine abiendeke sawa haji probleme haji peko mambo pale bana balez batoto ya Mungu Kana kabo kanuke. Katuka loko yake katoto. Mbatuika muna kabrile. Asema kale kanduka kuka loko tuko nikaona keko na waka moto. Kachine etuale mikomo. Keko na etuale ya nguvu. Tuika sela yona manye. Tutekabeba ile etuale je. Tualo kuika longabi kafichisha muchi mani. Tuanze kukafanya bintu vya kuzunisha roho yake. Ne kuika beleka. Na kwanza kukapatia malari. Kako kana ako. Kale katoto. Kabelanga kami. Keko na lukula kila saa. Na vile tulikabeba ile etuale kubuloji. Fungulo ya mwetu muishu ya majesi. Ile fungulo ya baraka munyumba yetu. Na sele lebeonso na katuli. Nilibebaka biote minenda kutoa kubuloji. Ya otata ye basu. Ule baba anangaika. Bini ya basu. Banangaika. Mimba anu huwa tujilebi ya. Nikamuliza pale ulipeleka bile. Kiyo bamu enamu ekika. Kile unaonea ako ni nini. Ambebube la. Asema ni bongo. Kajiba yanga shia baya kunsela. Tena kama wanakuwa kunibeba. Banku tamankamba kumakamba. Bata nifunga mankamba kumikono. Nebe ingijila. Niko nebatumikia kubuloji. Bampa buta. Beko na nipacha bunduki. Tuashilene mutumo. Turiuwa na mutu moya. Mukalubwe. Mukalubwe. Watishefu mkatampe wa kuesnel. Alikuwa shefu mnene kuesnel. Na mwashileka amiwe. Paka amie njoni ilimupika masashi. Wafua. Anakufua. Na muna ba. Ketu jimukitango kika. Naona tunakuwa mubantu ba mingi. Lushalu molu kata. Tukona cheza sana. Minya bampa mashini atoma. Baka nipatia damu nikakunywa. Aho kubaho. Pale kunaisha. Bikalanga bitu habishilani. Asema bina tupatia kabishilani. Kajimutu webu komu. Tena kicho angufu autashiki. Nelu hata. Na kubisha. Shumo na mwana. Kama unaona mutoto. Ukeje mucheche mutwe bukomo. Angari mutoto kiloko kicho angufu. Yukamba. Abakuata. Yu asema bana mubamba. Alu ya kwa milombe. Wansie kwa maombi kumombea. Ekikaki alonge kele. Kitu kanigirifanika. Enkambo wanchi. Kambo yake. Ye wa mutu ejije mubuji. Jo alimuingisha mbuloji. Ukeje mwano. Angari mutoto kiloko. Hano mwana abone shianji. Hapa nkambo yake anakufa ule mwana nduku mwana, wa baba yake. Mwana mukashi. Ule mwana muke. Nanji ba sele rele. Na ye anabeba rele ya kumuingisha mbuloshi. Eko na muinisie na kumupandisha. Hano bachiba longolo le kumi kumbu. Hapa balitengeneza kuya nguvu. Bateke mchele. Bepike mchele. Beba heba je. Eba pache bakule. Hakuja. Kisha kula. Boso. Bote. Balule misongo. Banje kulukula. Longa tuwale kuiba taka na bambuji. Njo banze kubaua kama vile bambuji. Hano biba nkome na. Hapa binakuwa ngufu. Mapla onso. Ile mapla yote. Biba akoma. Inakuwa ngufu. Hamwanda wa milombe. Juu ya maombi. Milombe loja leo. Maombi leo. Shea. Shea. Ushike tombo bebo. Ule kwa maisha yako. Utaka kuho. Leo atanguka. Mukampako kaba. Muta nipachi yako wakati. Na she dimanche. Ata dimanche. Tukalombele mwana sha 5 minutes. Tutaomba hata 5 minutes tu mnipatie kwa wakati leo. Kioki kiachiki basi kileza kulonga. Kile Mungu alipenda kufanya kilongeke. Siku ya leo kifanyike. Haleluya. Amen. Waendele kukamoa. Alienda kukamoa. Shanji. Baba yake. Abalonga ma test. Banafanya ma test. Yeye batambe wambe. Yeye anatoka wa kwanza. Hakuibe tabaye bengile. Pakubaita bakwe batumike. Abaita bonso bajiba fuebio. Banaita bote balishinda examen. Aye basha. Meye aliweza anabakia. Ah, ikika. Ni nini? Ikika. Ni kitu gani? Mwanambe yami. Mtoto asema ni mie. Tomweneke bakamutu la hakaji. Tuliona banaanza kumwangashe pakaji. Twasele ma dossier. Tukabeba ile ma dossier yake. Twafiao. Tunaificha. Amba tuwa kafile ukwehi. Tulenda kuficha wapi. Maka jikile ukubukama. Tulenda kujika kumuji abukama. Kulualaba. Kule kulualaba. Tala ibana betu. Uone banduku. Mima no, homu susuka ho. Pale muko unangaika munyumba yenu. Uita reje. Uwe unechika. Muchima usansa. Asema roi kuna uma. Kuno kungi tumuchima usansa. Kukimwili roi kuna uma. Kulala nezala. Tuko nalala na njala. Keko kwa. Mekule kubuloshi. Tujimufete. Tuko mufete. Géant. Géant. Kaji ka géant. Kaji ya ule géant mu maisha ya mtu. Ni kualabisha. Bavule ben. Ba mingi. Homwe ba mona. Pale munaona. Kamba beba kanji je. Asema beba pandishe umakaji. Munivo ya makaji. Munivo ya kazi yulu. Ba tekuna kokile mbakane. Me bana beba ule pumbafu. Washipo akili bana mupandisha. Me weyo na baki. Ni kitu kani? Haje probleme. Kuko mambo. Nonde biyam. Unifate mzuri. Haje probleme. Peko mambo. Wiba hane makuta. Weko ne bapatia na makuta wa unafanya biote tena uko na akiri sana kile abakupandishe ni nini peko mambo Jean women Jean asa kusimama Jean utwe shaka futa kanyakane muji woyo Jean eko ne ingisha na fujo munyumba yako kamba majesi afike asema mabaraka afike unaona fujo munyumba inaanza bila kupatana inakuwa tu ni fujo munyumba huyu eko nafanya byake huyu na yeye byake Jean Asha kuingia munyumba kama amujue ule sheko munyumba yenu mutaanza kupikana na bibi kisha munakatalana kuko watu wa mingi mandoa yawe konaisha kwa sipo tu mambo inaisha paka hivi binakuwa ngufu binaisha ni bitu kani biko nafanyika Jean si mufamie yenu kama mufamie yenu muti mtu wa malenga nya muko mtu mulosi muti mpaki wa mali muko wa kufanya madawa ni Jean haleluya amen chumbu kata wakisa kakienu kama mufamie yenu na shaku wankambo wenu ataku wankambo yenu bio wajikile vya manga bile barishika kama madawa keba tujileko homa kuta haba kupeleka kama kuta baselele wenu bumi baribebaka maisha ya familia yote fizz banatoa yo balongele ile baritoa kakubuloshi maisha ya familia yote haya ususuka uko nangaika Mushipri tu akunombolamba. Roho Mtakatifu akunionyesha. Jalelo. Leo. Kokikesa mbavi kwao. Usiende kusema vitu vingine. Kuchichosa kanonge. Kuko kile napenda kufanya. Kubami bantu. Mubantu yangu. Kiasa kanonge kikao. Kile atafanya ni nini? Ekoonesha Jean. Ni kuangusha Jean. Nabo batwele. Nabo bengie. Kumabaraka yabo. Eske kanisa munechika ata munechike menifate kile mungu alisema sita mifata mweye jea nangaisha batu eko na bamba paka na batumisi ya mungu abendele kumbele mazawadi yawe kona shunguluka fashi moya tumaobiri paka tumoya tumoya Yewa lolo wanene amba. Ule mama alisema. Tuiyanga. Tunakuyaka. Na she pasteur. Atani pasteur. Na she anyi. Atani nani. Shibu kumu walizake uchijibo. Kama nguvu ya mungu haina amo. Baia. Banakuye. Ambe kumu muna. Njokule munaona. Tuiba tuwesha mubilo tuwa bibi. Tukone baingisha watumisi bali mumandoto ya mubaya. Uleta ulota ba mari de nui. Eko na lota ba mari de nui. Bakwa ba fam de nui. Bengine ba fam de nui. Ambenge ni amalenga nya. Asema ni akili ya buloshi. Anoshitu balonga longananji. Kama tunafanya nayo sharati kumshingishi. Pale nguvu yake na mwisha tunamubamba. Shulo tanga byavyo. Kama unalotaka ba mari de lui. Kukuatekana. Basha kukubamba deja. Imwana mucheche. Ni mtoto kiloko uko nasema. Ambano oba nombelela. Asema hapa unaniombea leo. Na mone Naona moto inanichoma. Bintu bintamba mungitu. Bintu biko nanitoka mumwili. Ni vya kweli. Pale alikuwa anamwombea alianguka chini. Binaanza kutoka. Nena mabiavyo. Nikasema bile. Habitatumika. Tuko na Mungu wa nguvu. Biso enene byonso. Buloshi bote. Biko chini yetu. Atue. Siye. Tujina. Ule tuko naye. Ah, eko yulu. Le wita vise wingili kamwa mumukaji. Eske unechika utumike paka mwile kazi. Mwana wa kajila. Ule mtoto anaanza kulia. Mana hele. Asema nakatala ibasha ya buloshi. Namulomola tuweja Yesu mungitu. Nikamwambia asema ingisha Yesu ndani yako. Ulombela. Nikamwombea. Bene batemoba. Allez, ma démo. Il n'a pas de maungu ya ule jeune fille. Batuba fule. Batuba mingi. Misongo. Malari. Bumi bubi. Maisha mubaya. Matabula mabi. Matua mubaya. Bitamba kujijia. Biko natokea kwa ule jean. Miaka inga. Miaka ngapi? Witalebichi. Miaka inga. Ujangalie mbele miaka ngapi unakuwa nayo. Bumi wenda kumeso. Maisha kunenda kumbele. Kashi kenda kumeso. Wala kashi kunenda kumbele. Wenda ukanda. Uko nenda mkupanda. Uwilo kenda kumeso. Kanisa yuko nenda kumbele. Baimba mwenda kumeso. Baimbaji esike mko napanda. Sajibano wenda kumeso. Esike bantu wapa beko napanda. Milo mbele yenda kumeso. Maobi yuko napanda. Kutibashe ya. Kuko bashe ya. Ngilo yabo. Kashi yabo. Eko na kanya. Ni kualabisha. Aleluya. Amen. Leino miande osahula hii. Hii mambo niko na ubiri. Belangamo bikelekele. Eske mtu ataweka mo bikelekele umu. Okiela kikelekele. Usiweke kikelekele umu. Nemu no mukiwilu. Namu mukanisa. Eba jia, keba jimu. Bashea abanako. Baluisha abantu bako abo. Keba bale beko na kombanisha watu wengine abanako. Aleluya. Amen. Alléluia. Amen. Nambale bajia, keba nasema bajia mumukanisa banamo.